qui sait si tu me vois, mais moi je ne vois que toi. Je n'ai plus qu'une question, tes yeux, mes yeux, et je chante ton nom. Si quelqu'un d'autre venait, je l'éloignerais et je me défendrais. Je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie de dresser autour de toi. Un plan fabuleux tracé là-haut pour l'amour de nous deux. Qu'on soit ensemble longtemps ou séparés par des océans. Si un danger survenait, je l'éloigne. Je me je suis une femme amoureuse et je te